Salut tout le monde, c'est Luc du podcast Auto. Aujourd'hui, en attendant notre saison qui devrait commencer d'ici la fin du mois de septembre, je vous présente des chroniques auto que je fais avec Jean-Benoît Gagné sur CILE-MF à Havre-Saint-Pierre tous les jeudis matins aux alentours de 7h35. Donc, dans la première chronique, on parle de la Chevrolet SS qui devrait sortir en 2013, dont l'année prochaine, la Fiat 500T Turbo qui devrait être disponible à l'automne et la McLaren MP4 12C Spider que si vous vous demandez quand est-ce qu'elle est disponible, je vais être votre ami. Donc, bonne écoute et il y en aura un autre qui va suivre après celle-ci. Il est 7h39, on s'en va au téléphone pour aller parler avec Luc Desormeaux sur les ondes du 95,1. Il va faire avec nous le tour à chaque semaine de l'actualité automobile. Bonjour Luc! Salut Jean-Benoît! Comment est-ce qu'il va? Il va très bien, et toi? Ben oui, t'es au bureau, là. J'essaie de te rejoindre. Je suis comme tombé dans les méandres des boîtes téléphoniques, des boîtes d'appel. Tu me faisais parler qu'une machine, ça faisait une drôle de chronique. Ouais, c'est ça. On va faire ça sur le cellulaire à la place pour aujourd'hui, puis on va ajuster nos flûtes pour la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Question de te placer pour les auditeurs, c'est ce que je fais habituellement là avec les autres quand c'est la première fois pour une collaboration. J'aimerais ça que tu parles un peu de toi, comment est-ce que la passion de l'automobile est venue, comment ça se fait que je te connais, puis tout ça, là. Ben la passion d'automobile pour moi c'est quelque chose qui est là depuis que je suis tout petit. Jeune adolescent, mettons, je me rappelle à 13-14 ans, j'achetais déjà les guides de l'auto que je regardais passionnément couché sur le ventre, les coudes à terre, à tourner les pages dans ma chambre, puis voir l'auto que j'achèterais plus tard, puis des choses comme ça. Fait que j'ai toujours eu la passion des autos. Puis en vieillissant, ça c'est jamais quelque chose qui a quitté, là, c'est quelque chose qui a toujours resté. Donc, je suis l'actualité, j'adore l'automobile. Si j'aurais moyen, je changerais probablement d'auto aux années, mais c'est quelque chose qui se fait pas. C'est ça. Puis nous autres, on s'est rencontrés, c'est par Twitter à travers un ami commun qui est Maxime Tremblay. Donc, c'est un peu comme ça que nous autres, on s'est rencontrés, puis t'es un gars super sympathique en passant. Ouais, l'art de flatter quelqu'un dans le sens du poil. Merci, Luc. Ouais. Non, mais est-ce que... mon chèque. Oui, il est dans mal. Ce que je voulais dire par là, Luc, je te demandais comment est-ce qu'on s'est connus. C'est pas vraiment ça. En fait, comment les gens peuvent t'entendre? Parce que tu participes à certains podcasts et certains sites, entre autres sur l'actualité automobile, mais aussi dans le domaine de la geekitude et des jeux vidéo. Oui, c'est ça. J'avais un podcast qui s'appelait C'est juste un autre podcast, justement. C'était court, c'était CGUAP. Ça, on a arrêté ça le mois passé. J'ai encore un podcast qui s'appelle Histoire de Gamer, là, qui est dans le monde du jeu vidéo. Ce que je fais, c'est finalement, je parle à des gens qui sont des gamers. Exemple, j'ai eu un entretien avec Max Tremblay qui était sur mon podcast. On a parlé de son passé de gamer. J'ai aussi Tristan Geoffroy de Monsieur Net. J'attends d'ailleurs mon invitation, Luc. Je l'attends, là. Je t'enverrai ça à un moment donné. OK. Puis, fait que j'ai ça. Puis là, je suis en train de partir un nouveau projet qui va être un podcast sur l'automobile qui va s'appeler Podcast Auto. Vous allez voir ça apparaître là, dans vraiment au courant du mois de septembre avec des essais routiers. J'ai des autos qui s'en viennent pour faire des essais routiers. Là, fait qu'on va partir ça en plus des chroniques qu'on va faire ensemble à la radio à chaque semaine. Là, ça va m'aider à jouer avec la passion de l'automobile, à rester là-dedans un peu. Tu es en train de me dire que la radio, c'est comme ton camp d'entraînement pour le podcast. D'habitude, c'est comme l'inverse. Non, c'est le contraire. Mais c'est le podcast, parce que c'est quelque chose que tu peux recommencer, tu peux le faire. C'est comme le nombre de prises que tu veux. La radio, c'est en direct. Puis c'est quelque chose qui est le fun à faire. C'est quelque chose que j'ai jamais fait à date. C'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Fait que merci de me donner la chance de faire de la radio. Ben merci à toi de partager ta passion et tes connaissances avec nous. Vous allez voir, chers auditeurs, le gars, il connaît ça, le domaine de l'automobile. On essaie de se garder au courant. Parfait. Fait que là, on va commencer notre tour de l'actualité en parlant de Chevrolet qui sort un nouveau modèle. C'est un processus qui a été relativement long à mettre en place. C'est issu de d'autres plateformes auparavant. Tu nous parles de la nouvelle SS qui sera disponible en 2014. C'est ça. Elle devrait être en vente, on imagine peut-être à l'automne 2013, sinon au printemps 2014. Ce que la SS va être, c'est que finalement, en 2008, le GM avait sorti la Pontiac G8 qui était une voiture quatre portes à propulsion. Fait que c'était une berline sportive. Malheureusement, là, avec les problèmes financiers que GM a eu, ben ils ont décidé de fermer la division Pontiac. Donc, la G8 est morte avec la division Pontiac en 2010. Donc, elle a juste connu 2 ans de production. Puis, les amateurs d'automobiles étaient vraiment déçus que Chevrolet laisse aller Pontiac. Et surtout, la G8, ils pensaient qu'ils allaient la reprendre puis la ramener sous la bannière Chevrolet. Parce que c'est sûr qu'en 2 ans, c'est pas vendu énormément, mais c'est une voiture pour vraiment passionner la personne qui a besoin d'une berline 4 portes, mais qui veut que ça se déplace quand même. La G8, c'est une bonne auto pour ça. Puis, vu qu'elle a disparu, ben, les gens étaient déçus. Là, GM, pour fin 2013, comme je disais, début 2014, sont supposés nous ressortir une nouvelle berline à propulsion. Ça veut dire c'est pas une traction avant, c'est une propulsion, c'est les roues arrière qui poussent, un peu comme une Mustang ou une Camaro. Qui va être basé sur la même plateforme que la G8 et la même plateforme aussi que la Camaro. Donc, à peu près les mêmes grosseurs d'auto, à peu près les mêmes moteurs. Les détails sont pas encore ben disponibles. GM essaie de garder ça assez secret, mais on sait pas mal que ça va être la même grosseur. Les mêmes moteurs que la Camaro, un V6 de 212 chevaux, un V8 de 6,2 litres de 426 chevaux. Ça va nous donner une berline de 4 portes qui est capable de faire le 0-100 en bas de 6 secondes. Ça commence à être bon. Puis avoir une boîte automatique à 6 rapports. On devrait avoir plus de détails sur l'auto au Salon de Los Angeles. On va probablement voir la version finale de l'auto. Le Salon de Los Angeles, c'est du 28 novembre au 9 décembre. Donc, ça s'en vient. On devrait avoir plus de nouvelles sur cette auto-là bientôt. Et juste comme ça, là, on vise quel public? Parce que c'est une bagnole qui a l'air, tu sais, qui a une allure de berline de tous les jours, mais qui à l'intérieur a une mécanique de sportive. Ouais, ben avec ce modèle-là, GM va attaquer le marché de la Dodge Charger, la berline 4 portes qui peut être aussi docile mais quand même assez puissante avec un V6 ou peut être totalement presque un auto de course avec le SRT8, le modèle avec le V8 émis dedans. Donc, c'est ce marché-là que GM veut aller chercher. C'est sûr qu'ils ont essayé d'aller chercher avec la G8. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps vraiment longtemps à cause, comme je disais tantôt, elle est disparue assez rapidement, mais ils veulent aller chercher ce marché-là. Il y a un marché pour la Charger. Si tu regardes sur les routes, il y en a pas mal. Donc, GM va aller chercher une partie de ce gâteau-là. Ils veulent la personne qui a une famille, qui a besoin d'un auto quatre portes, mais qui aimerait ça avoir un muscle car, là, un auto comme une Mustang, quelque chose comme ça, mais qui peut pas se le permettre parce que, justement, ils ont besoin de plus d'espace puis quelque chose de plus logeable pour des enfants ou quelque chose comme ça. Ça va être l'auto pour eux autres. Autre domaine, on poursuit avec la Fiat 500. On va nous offrir une nouvelle version, là. La Fiat qui est comme de retour au Canada depuis deux ans, et là qui va nous offrir une version turbo de sa fameuse 500. C'est ça. Fiat nous propose déjà 2 modèles, la Fiat 500 régulière, puis la Fiat 500 Abarth. La Abarth, c'est vraiment le modèle haut de gamme, à peu près 180 chevaux. Là, c'est le modèle le plus cher aussi. Fait que Fiat nous sort un modèle qui va être exactement entre les deux. Donc, la nouvelle Fiat 500 va sortir à l'automne. Son nom, c'est la Fiat 500T. Donc, c'est un turbocompresseur. C'est le même moteur 4 cylindres que la Fiat normale. Donc, c'est un petit 1,4 litres. Turbo qui va donner 135 chevaux puis 150 livres pieds de couple au comparé là à la modèle régulier qui donne 101 chevaux puis 95 livres pieds de couple. Le couple, c'est ça qui est important, c'est ça qui donne la sensation ou qui donne la possibilité de démarrer rapidement là. C'est vraiment ce qui vous colle dans votre siège quand vous partez dans une auto. Donc c'est vraiment important, c'est le turbo qui donne cette possibilité-là. Elle va être avec une boîte manuelle à 5 rapports. Ça, c'est un peu archaïque. Là. Les boîtes à 6 rapports, c'est vraiment la norme maintenant. Fiat et Chrysler sont encore un petit peu en retard, mais ils s'en viennent. Là. Chrysler revient de loin. Fiat essaie de prendre sa place au Canada. Donc, j'imagine bientôt, on va avoir les transmissions à 6 rapports aussi. avoir des pare-chocs distinctifs, des jeux latérales, des phares teintés, un aileron arrière qui donne un look beaucoup plus rapide à l'auto. On dirait vraiment un petit go-kart, c'est vraiment cute. Des jantes de 16 pouces, puis un système de son de 368 watts de la compagnie Beats Audio. Le prix de détail de l'auto devrait être environ 20 995. Puis on va l'avoir sur nos routes cet automne. Vous allez pouvoir aller l'acheter sur votre concessionnaire Fiat pour l'automne. Est-ce que les... parce que tu me dis, là, 20 995, me semble que c'est cher pour une si petite bagnole, mais est-ce qu'elle vaut ce prix-là, selon toi? Ben la 500T, je l'ai pas essayé encore. Ça va être de voir c'est quoi son comportement routier. Je connais des personnes qui ont essayé la Abarth, qui est la version plus élevée de la Fiat. Puis même le magazine Motor Trend l'a classé numéro 1 dans les petites autos pas chères et performantes. C'est elle qui a remporté le numéro 1 sur 8 choix qu'il y avait. C'est vraiment une petite auto à vocation sportive. Fait que c'est une petite auto légère avec un plus gros moteur. Parce que 180 chevaux aujourd'hui, c'est pas nécessairement beaucoup. Mais quand l'auto pèse presque rien, ça c'est sûr que t'as pas besoin d'autant de chevaux vapeur pour faire avancer l'auto. Fait que je pense que c'est un prix qui a de l'allure pour ce que ça va donner. Mais c'est tout, la sensation de conduite, ça va être quoi? Ça va-tu nous coller dans notre siège quand on va décoller, si on veut, ou si on peut la conduire un petit peu plus tranquille aussi? T'sais? Mais ça va être à voir. D'après moi, c'est pas trop demandé pour ce que l'auto va être. Mais ça va être de voir, l'essayer, puis voir ce que les critiques vont en dire aussi. Hein. Luc, you have a mission. Oui. Et on va terminer en terminant. Oui, c'est ça, il y avait beaucoup de synonymes dans cette phrase. on va conclure cet entretien-là en nous faisant rêver un tout petit peu. Tu nous parles d'une McLaren, la MP4 12C Spider. Tu sais, un bolide de guerre, là. C'est ça. Ben si vous avez un budget de 231 000 $ pour votre prochaine auto, un, je vous envie. Deux, vous pouvez vous commander la nouvelle McLaren MP4 12C. Ils viennent d'ouvrir les commandes pour l'auto. Elle va être disponible au printemps prochain pour la livraison. La nouvelle version va avoir un toit rigide rétractable en fibre de carbone. Donc, c'est pas un toit souple ou un toit en tissu, là, comme on est habitué de voir sur la plupart des convertibles. C'est vraiment un petit toit rétractable. C'est un Spider, donc c'est pas un toit qui s'enlève au complet. C'est vraiment un peu comme dans le temps, les T-top, mais sans le T, là, ça rouvre vraiment la section au-dessus du conducteur. Elle va être propulsée par le même moteur que la version coupée. C'est un V8 biturbo de 3,8 litres qui fait 616 chevaux. Donc, c'est un moteur assez puissant. Puis, avec une transmission à 7 rapports à double embrayage. C'est vraiment un bolide incroyable. Il a été présenté à Pebble Beach. Il y a un gros rassemblement de voitures de luxe à Pebble Beach à chaque année en Floride. Puis, les constructeurs, souvent, de voitures de ce style-là apportent leur voiture-là pour la présenter. Puis cette année, là, ils ont présenté celle-là en un jaune assez pétant. C'est quelque chose que vous ne passerez pas inaperçu quand vous allez vous promener avec ça. Genre de voiture que tu veux pas pogner un nid de poule avec parce que elle doit être assez basse, merci. Elle ne doit pas tellement être surélevée de la route. C'est assez bas. Même, parenthèse, en fin de semaine, il y avait un party de fête dans mon coin, puis un gars qui est venu avec une magnifique Lamborghini Gallardo jaune. C'était assez spectaculaire de le voir négocier les dos-downs. C'est passe pas vite, c'est très très très lentement, puis il attendait voir s'il entendait que ça graffinait ou puis après ça il accélérait un peu. C'est des voitures qui sont très bas de terre. Fait que les dos down, les nids de poule, c'est pas quelque chose de très très apprécié par ces autos-là. C'est quoi, Luc, tu sais, l'émission britannique là qui font des tests de voitures là avec Top Gear. J'avais vu un épisode où est-ce qu'il était avec trois voitures de luxe, dont une McLaren. Je me rappelle pas exactement les modèles, mais ils avaient passé la nuit dans un hôtel avec stationnement souterrain et le lendemain, pour sortir de la rue, c'est un one-way où est-ce qu'on sortait avec les voitures. Et c'était fou, là. Il y avait, mettons, là, un jeu d'à peu près 3 pouces mm-hmm. et demi gros max pour passer là, du stationnement à la rue et avec la descente de trottoir. Et il a fallu qu'ils mettent des planches puis, et plein de trucs comme ça pour pouvoir ne pas frotter. C'était complètement incroyable. Ça leur a pris un 35 minutes facile à être capable juste de faire le 30 cm qui les séparait de la rue et du stationnement. C'était complètement fou. Ouais, il y avait une Ford GT, il y avait une Ferrari, je me rappelle bien. Ouais. Puis la pire des trois, c'était la Pagani Zonda, où ce que il passait vraiment pas. Puis oui, il avait essayé de mettre du bois en dessous pour passer, pour être capable de descendre l'auto dans la rue. Puis il avait vraiment l'impression qu'il sortirait jamais du stationnement. Puis le monde s'est pris en arrière à vouloir sortir du stationnement, eux autres avec leur auto normale. Là, c'était c'est un épisode assez spécial. Le pire, c'est les gens dans la rue, c'est un one-way, fait que tu peux pas te reculer, tu peux pas ressortir de l'autre côté. Tout le monde t'a pogné là. Oui, c'était des beaux chars, mais tu dois pouvoir sacrer après ces véhicules-là quand t'es pogné dans une situation aussi incongrue que celle-là. Oui, sûrement. Je sais qu'il y avait des gens qui avaient l'air pas tellement heureux de la situation. Merci, Luc. C'est ce qui fait le tour pour cette première à la radio. Sur Twitter, on te retrouve comment? On peut me rejoindre au très facile à retenir Scalazormo, donc Scalazormo. Si jamais les gens veulent me poser des questions ou me donner des commentaires, vous pouvez écrire au luc.desormo@outlook.com. Parfait, un gros merci Luc. On se dit à la semaine prochaine. Merci à toi, bonne fin de semaine. Pour la deuxième chronique, on avait décidé de parler de voitures électriques et de voitures hybrides. On parlait aussi des modèles disponibles avec les rabais que le gouvernement du Québec donnait pour certains d'entre eux. Donc, bonne écoute. On s'en va du côté du téléphone pour aller parler avec Luc Desormeaux et sa chronique automobile. Bonjour Luc. Salut Jean-Benoît. En forme? Bien sûr, toi? Ben oui, ça va. On est sur les batteries de recharge. Les batteries de secours. C'est toujours bon d'avoir des batteries de recharge, ouais. Ouais, parce que ouais, c'est ça. La nuit était courte, mais c'est pas grave. On va passer à travers la chronique et puis c'est pour ça que j'ai parlé de batteries. On va parler cette semaine particulièrement de voitures électriques, mais avant tout, tu vas nous démêler c'est quoi la différence entre voiture à essence. Ça, on s'entend qu'on commence à connaître ça pas pire. Voiture hybride et voiture totalement électrique. Ouais, c'est ça. Avec le prix de l'essence qui monte tout le temps, le plus en plus de monde sont intéressés par les autos hybrides, les autos électriques qui roulent totalement à l'électricité. Au Québec puis au Canada, on a vraiment comme trois sortes de véhicules qui fonctionnent avec un moteur, avec une motorisation électrique. On a les voitures hybrides. Ce que la voiture hybride est, elle soit rechargeable ou non. Certains modèles le sont, certains modèles le sont pas. La voiture hybride, c'est une auto qui roule à deux systèmes de propulsion. Donc, il y a deux systèmes qui peuvent faire tourner les roues de la voiture. Il y a un moteur électrique, puis un moteur à essence. Ce que la hybride fait, elle, c'est tout simplement, elle peut rouler sur une très courte distance sur son moteur électrique seulement, puis après ça, un coup que la batterie est épuisée, c'est le moteur à essence qui embarque, qui fait le restant de la distance qu'on a à parcourir pour notre trajet. On a la voiture électrique. La voiture électrique, c'est une voiture qui a seulement un moteur électrique. Il n'y a aucun moteur à essence dedans. La distance que la voiture peut parcourir en mode tout électrique est beaucoup plus longue que la voiture hybride parce qu'il y a beaucoup plus de batterie puis la capacité est plus grande. Mais si la batterie tombe à plat, ben ça va vous coûter une remorqueuse parce qu'il n'y a pas de manière facile de recharger les batteries. On peut pas juste se traîner comme un auto à essence, on manque d'essence, on a un petit bidon, on remplit puis on peut se rendre à la prochaine station. Auto électrique, ça fonctionne pas de cette manière-là. Puis la troisième catégorie, qui a seulement une voiture dedans présentement, c'est la voiture électrique à autonomie prolongée. La voiture électrique à autonomie prolongée, c'est une voiture qui fonctionne à l'électricité à 100% pour toute la durée de son trajet. La seule chose, c'est que si les batteries tombent à plat, elle a un moteur à essence qui va servir de génératrice pour recharger cette batterie-là qui va pouvoir continuer à faire tourner les roues. Le moteur à essence n'est pas rattaché aux roues, donc c'est toujours le moteur électrique qui fait avancer l'auto. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que c'est moi ou le fait d'avoir deux motorisations dans les véhicules hybrides mine totalement l'efficacité que ça peut avoir parce que le moteur électrique n'a pas le choix de traîner le poids d'un moteur en plus à essence et en plus de l'habitacle et les personnes qui sont à l'intérieur du véhicule? Ouais, c'est quand même pour sauver un peu sur l'essence. C'est sûr que les voitures hybrides qui ont une petite batterie puis un moteur à essence régulier, c'est pas nécessairement ce qui va sauver le plus d'essence. C'est sûr que c'est bon, mais c'est pas ce qui est le meilleur, parce que c'est ça, l'autonomie de la batterie est courte. En plus du poids que ça a à traîner, on est plus souvent qu'autrement sur le moteur à essence. Donc, l'économie d'essence est là quand même, mais c'est quand même pas aussi bon que celle à autonomie prolongée ou la voiture électrique qui brûle zéro essence. Mais la technologie des batteries présentement nous permet pas, pour des voitures qui sont quand même abordables, là, d'avoir une autonomie de 300 km ou 400 km avec une batterie. La technologie est pas là encore, fait que ça prend des compromis présentement. Puis les compromis, c'est d'avoir un moteur à essence dans l'auto ou d'acheter une voiture totalement électrique, puis d'avoir des petites distances à parcourir par jour avec cette auto-là. Là, la technologie n'est pas rendue à ce point-là encore. Le prix des véhicules et en plus la distance à parcourir dans les régions éloignées au Québec, ça explique grandement l'implantation ardue de ce type de véhicule-là dans la province. C'est ça. Il y a aussi le circuit électrique. Les gens qui sont intéressés, là, tapez sur Google, qui est votre ami. Circuit électrique, vous allez voir, il y a un beau circuit de bornes de recharge qui est en train de se développer au Québec. On est pas mal avant-gardiste sur ce côté-là aussi. Là. Ben, tu sais, je regarde, là, on va se concentrer cette semaine sur les véhicules totalement électriques. Puis, tu nous parles d'autonomie, 145 km, un autre, là, la Chevrolet Volt 61, tu nous parles de 160 km pour la MiEV et la Ford Focus électrique, la Nissan Leaf. Je peux même pas aller faire mes commissions à cette île, c'est pas assez, ça prend au moins le double. C'est ça. Ben, c'est ça, on va passer une couple de modèles qui sont disponibles ou qui vont être disponibles au Québec là, puis au Canada dans les mois ou dans le début de l'année prochaine. Il y a, comme tu disais, la Ford Focus électrique. C'est une auto qui est un 5 passagers, donc c'est une auto régulière. Son prix de base, les prix des voitures électriques sont quand même élevés. Le prix de base, c'est 41 199. L'autonomie estimée, parce que là, on parle de 160 km, mais il ne faut pas oublier que les estimations des constructeurs, c'est toujours dans le meilleur des mondes. Tu roules sur une route très plate, il n'y a pas de trafic, tu as le vent dans le dos, il fait beau, il fait pas froid, tu es en été, tu ne roules pas ton air climatisé dans le tapis parce qu'il fait 40 degrés à l'ombre. Là. Fait que c'est vraiment dans le meilleur des mondes. Fait que souvent, le 160 km va se transformer en 100 à 120 là. Entre les charges. Le temps de recharge qui est vraiment bon pour la Focus, c'est de 3 à 4 heures pour recharger une batterie qui est totalement à plat sur une station de 240 volts, par exemple. Ça vous prend la station de recharge de 240 volts. Le gouvernement du Québec, pour une auto totalement électrique, donne un bon rabais, c'est quand même 8 000 $ qui va être appliqué à l'achat quand vous allez être chez le concessionnaire. Donc, 41 000 moins 8 000, puis après ça, plus les frais qui se rattachent à l'automobile. Il y a la Mitsubishi e-MiEV qui est un 4 passagers. Son prix de base est 32 998. L'autonomie estimée est encore de 160 km. Comme je disais tantôt, c'est estimé. Le temps de recharge, par exemple, d'une batterie à plat sur une station de 240 volts, on parle de 7 heures. Fait que ça prend un bon 7 heures de que l'auto soit branchée pour qu'elle soit totalement chargée le lendemain, que vous puissiez avoir votre autonomie, votre pleine autonomie. Le rabais gouvernemental est de 7 769 pour cette auto-là. Il y a la Nissan Leaf aussi, qui est une nouvelle arrivée sur le marché, qui est une 5 passagers, prix de base de 38 395. Encore là, l'estimation de l'autonomie est à 160 km entre les recharges. Temps de recharge à plat, semblable à la Mitsubishi MiEV, là, c'est 7 heures sur une station encore de 240 volts. Et le rabais gouvernemental pour celle-là est de 8 000. Si on va avec la Chevrolet Volt qui est présentement, tantôt je parlais d'autonomie prolongée, c'est la seule voiture sur le marché qui offre l'autonomie prolongée. Ce que c'est finalement, c'est que l'autonomie prolongée, la voiture a son moteur à essence, a son moteur électrique, puis aussitôt que la batterie est vide, le moteur à essence embarque, il sert de génératrice, c'est qu'il va recharger la batterie, qui va continuer à faire tourner les roues. Donc le moteur à essence ne fait jamais tourner les roues de la voiture, c'est toujours le moteur électrique. L'autonomie estimée en mode tout électrique, c'est 61 km environ. Donc vous partez le matin, vous en allez, vous pouvez faire environ 61 km dans le parfait sur la route parfaite là, pour avoir un maximum d'autonomie. Ensuite, le moteur essence embarque, puis il recharge les batteries, puis vous continuez. C'est probablement le meilleur des deux mondes pour une personne qui fait des grandes distances, parce que tant qu'il y a de l'essence dans le réservoir à essence, ben, vous pouvez continuer à rouler parce que il va recharger vos batteries. Ça donne combien de kilomètres au total? On peut rouler combien de temps? Là? Mettons qu'on a rempli la tank au complet, les batteries sont full. Est-ce qu'on a une estimation de jusqu'où on peut se rendre? On dirait, GM dit à peu près 550 à 600 kilomètres entre les pleins. Mais il y a des gens, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis. Il y a des gens qui sont capables de passer un mois avant de remettre l'essence dans le réservoir, à peu près 900, ils parlent de 900 kilomètres, parce que la personne arrive au bureau, il y a des compagnies qui peuvent vous laisser recharger votre auto, fait qu'il y a recharge, fait qu'il y a 60 kilomètres en s'en retournant chez eux le soir avant que le moteur à essence embarque. La même chose le matin, il arrive chez eux le soir, il y a branche, le lendemain les batteries sont pleines. Fait qu'il y a des gens qui ont réussi à faire à peu près 900 kilomètres avec un réservoir d'essence en remplissant leur batterie soir et matin. C'est très intéressant. Oui, c'est ça. Ça commence à être vraiment intéressant. Cette option-là, là, du moteur qui recharge la batterie en roulant, c'est un gros plus. Je pense que la compétition va en prendre bonne note. C'est ça, mais c'est la seule qui fait ça présentement, mais on va probablement voir ce système-là arriver plus tard aussi dans d'autres modèles. Donc, le temps de recharge, c'est 4 heures avec une station de 240 volts, qui est quand même bien, ça recharge assez vite. Puis le rabais gouvernemental pour la Volt est de 6 884,50. Puis la dernière voiture, c'est la Smart Electric. Elle n'est pas sortie encore, elle s'en vient au printemps 2013. Ça va devenir la voiture électrique la moins chère sur le marché. Son seul problème, c'est un deux passagers, donc il y a seulement deux personnes qui embarquent dedans. C'est une Smart for Two, mais électrique. Son prix de base est 26 990 pour le modèle coupé. Vous allez pouvoir avoir un cabriolet pour 29 990. Donc, une voiture électrique cabriolet, c'est quand même une belle avancée. L'autonomie estimée, 145 km entre les charges, donc c'est un peu moins que les autres. Mais la voiture est plus petite, on a moins de place pour les batteries aussi. Temps de recharge d'une batterie à plat, c'est 7 heures avec encore une station de 240 volts. Puis les rabais gouvernementaux, le rabais gouvernemental est de 8 000 $. Donc, ça devient le seul véhicule totalement électrique qui descend en dessous de la barre des 20 000 avec le rabais. C'est ça. Ça revient moins cher. Si on enlève 8 000, ça revient à une voiture qui est quand même pas tellement dispendieuse. Faut dire que toutes les voitures sont rechargeables aussi sur du courant régulier, fait du 120 volts de maison. Là, vous pouvez le brancher dans une prise électrique normale et ça va recharger les batteries. Mais on parle, dépendant des modèles, de 12 à des fois 20 heures pour charger la batterie complètement quand elle est à plat. Donc, on conseille toujours d'avoir une borne de recharge de 240 volts. Si vous achetez une borne pour votre maison, le gouvernement du Québec donne un rabais de 1 000 $ sur l'achat de la borne aussi. Donc, il y a des rabais pour toutes, là, pour vous équiper, pour pouvoir rouler électrique. Ouais. Ben, comme je te dis, c'est l'autonomie sur la route qui va devoir être travaillée pour que les régions plus éloignées puissent commencer à prendre le pas, à faire le saut vers cette technologie-là. Peut-être rapidement, Luc, nous parler de GM qui investit dans une entreprise qui, justement, travaille sur des batteries. C'est ça, justement, on parlait d'autonomie de batterie tantôt. GM aurait investi au courant de l'année 7 millions dans une compagnie qui s'appelle Envia. La compagnie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille dans les technologies de batterie lithium-ion pour les voitures. Ils ont réussi à créer une technologie qui fait qu'on est capable de maintenir une plus grande charge, plus de courant dans une batterie pour l'automobile. Donc, on passe d'une voiture qui pourrait avoir une autonomie qu'on voit d'environ 160 km présentement, on pourrait aller jusqu'à 320 km sur une charge. Donc, on doublerait le courant qu'une batterie de même grosseur pourrait contenir. Ça serait disponible. Il parle que ça serait disponible d'ici 2 à 4 ans, on verrait apparaître ces batteries-là dans les autos. Donc, c'est ça qui va faire que l'auto électrique va probablement se vendre mieux, parce que quand on tombe à 320 km d'autonomie sur une charge, on commence à voir que la plupart des gens qui sont proches de leur travail, au moins, là, où peuvent aller aux alentours de 50, 60, 100 km, 150 km pour faire leur journée de travail auraient assez d'autonomie dans ces batteries-là pour se rendre puis revenir à la maison le soir. Ça serait une belle avancée. Là, on attend vraiment les premiers tests, là, mais c'est pour l'instant, c'est encore théorique. Si jamais on a des questions, on a des sujets à te proposer, Luc, comment on te rejoint? Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, c'est @scalazormo, ou vous pouvez m'écrire à luc.desormo@outlook.com. Merci beaucoup, Luc. On se dit à la semaine prochaine. Merci. Bye. Bonne semaine. Alors, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté les deux chroniques que j'ai enregistrées à la radio avec Jean-Benoît. Puis la semaine prochaine, je vous donne la chronique numéro 3 et la chronique numéro 4. On parle de Mustang. On parle aussi des 5 voitures les plus chères au monde. Donc, merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine.